À l'occasion du 5e anniversaire du décès du grand dirigeant Kim Jong-il, du 25e anniversaire de la promotion du grand dirigeant Kim Jong-il au poste de commandant suprême de l'armée populaire de Corée, et du 5e anniversaire de la promotion du maréchal Kim Jong-un au poste de commandant suprême de l'armée populaire de Corée, le Centre d'études des étudiants de Milan, Italie, a inséré dans son page d'internet les œuvres classiques du général Kim Jong-il, de quelques questions relatives aux bases idéologiques du socialisme. Toute calomnie contre le socialisme est intolérable. Le socialisme est une science et la philosophie du Jutsu est une philosophie révolutionnaire originale.